Chapitre 22e, la fuite. Les jours suivants, Parvati ne vint pas me voir. Je l'apercevais de loin, errant dans les jardins, toujours en compagnie du noir Balaji Rao, dont le turban blanc, lamé d'or, brillait sur le vert sombre des buissons. Peut-être ma princesse voulait-elle me punir de m'être montré si haineux et si mauvais. Peut-être redoutait-elle de ma part quelque mouvement de rage. Mais son absence envenima mon chagrin, ma haine s'augmenta contre celui qui me privait d'elle, et la pensée homicide devint une obsession de mes jours et de mes nuits. Le palais était tout en rumeur, à cause des préparatifs des noces. On va m'essayer un carapaçon de brocart d'argent, brodé de perles et de turquoise, une couronne de plumes, et un houda en filigrane d'or dans lequel devaient s'asseoir les fiancés le jour de la cérémonie, car c'était à moi que l'on réservait l'honneur de les porter dans la marche triomphale qu'ils devaient faire à travers Golconde. Mais à mesure qu'approchait le jour du mariage, mon désir de tuer le prince grandissait, et je pris soudain, pour éviter de commettre un crime, une détermination bien douloureuse. Je résolus de quitter le palais, de m'enfuir. Quitter Parvati? Quitter le prince et saphir du ciel? Ces êtres qui m'avaient fait une vie si douce, si libre et si heureuse, m'en aller au hasard des aventures, redevenir sauvage peut-être, comment pourrais-je supporter un tel chagrin, un tel malheur? Il fallait me sacrifier cependant, pour éviter d'attirer de terribles catastrophes sur ceux qui m'avaient traité comme un ami. Balaji Rao, assassiné à Golconde, c'était la guerre allumée, d'épouvantables représailles, la ruine de mes bienfaiteurs. Et j'avais beau essayer de me dompter, de me résigner à accepter ce que je ne pouvais éviter, la vue du prince de Mysore, aussi loin qu'il fût de moi, faisait monter dans mon cerveau une bouffée de colère qui m'ôtait la raison et me poussait invinciblement au meurtre. Partir, il fallait partir. Donnez à ma chère Parvati cette dernière preuve de dévouement. La nuit qui précéda le jour des noces, au moment où la lune se couchait, j'ouvris sans bruit le grand portail de mon étable et je sortis à pas léger. Un instant, j'eus l'idée d'aller pour la dernière fois devant la chambre de ma princesse, de cueillir des lotus et de les accrocher à son balcon, comme je le faisais souvent. C'eût été là au moins un adieu, et elle l'eût compris. Mais j'avais le cœur serré, les yeux troubles. Je craignais d'être faible, de ne plus pouvoir partir après m'être rapproché d'elle, et rapidement je traversai la cour, j'enlevai la barre et les chaînes de la porte, puis après l'avoir refermée le mieux que je pus, je m'élançai dehors. Un grand silence emplissait Golconde, tout était noir et désert. Je connaissais si bien les rues et les places de la ville que je pus la traverser, malgré l'obscurité, d'une allure très rapide. Je baissai la tête sous la honte et le chagrin. Tout en marchant, mes lourdes larmes tombaient sur mon chemin, si large qu'on aurait pu par elles retrouver ma trace, si l'aride poussière ne les avait bues aussitôt. Le jour naissait quand j'aperçus la forêt qui souvent avait été le but de nos promenades avec ma douce Parvati. Quand se découpait alors à l'horizon la ligne bleuâtre et sombre que dessinaient sur le rose éclatant du ciel les arbres de la lisière, comme je me sentais heureux et prêt à amuser la rieuse princesse avec ma folâtre gaieté. Et maintenant, combien j'étais triste et malheureux en m'enfonçant sous l'ombre verte. J'avais la poitrine gonflée d'énormes soupirs, des soupirs d'éléphants, qui parfois s'échappaient en sonorités terribles, qui effrayaient toutes les bêtes du bois. J'étais si ému que je dus m'arrêter, et si j'avais été homme, j'aurais, comme le poète de la cour qui mettait en vers tous les sentiments du cœur, exhalé mon chagrin en une longue plainte poétique, et les cris rauques que je poussais auraient pu se traduire ainsi. Hélas! Je ne te verrai plus, ô ma chère Parvati, sourire de ma vie, soleil de mes jours, lune de mes nuits. Je ne te verrai plus jamais, hélas. Ta main fine ne me flattera plus, et ta voix harmonieuse ne me dira plus ces mots d'amitié qui m'étaient aussi doux que vos plus douces musiques. Mais il faut que je te quitte pour ne pas commettre devant toi un crime affreux. Oh, sans doute, tu m'auras bientôt oublié. Tu seras toujours la divine princesse Parvati, bénie de tous, et moi, privée de toi, je ne serai plus rien qu'une bête errante et misérable, qui n'aurait pour me consoler que le souvenir de l'ancien bonheur. Oui, c'est ainsi qu'eût crié le poète et que j'eût crié si je n'avais pas été un éléphant. Je m'enfonçai plus avant dans la forêt, et l'idée me vint d'aller chercher un appui auprès du bon Nanakoret qui nous avait si cordialement accueillis, la princesse et moi, le jour où j'avais voulu l'enlever et où le serpent et l'orage m'avaient fait me repentir de ma faute. Certes, ce pieux vieillard, qui avait médité les livres saints et savait bien qu'il ne faut pas être moins pitoyable aux animaux qu'aux humains, ne me repousserait pas et peut-être ces paroles de consolation apaiseraient-elles un peu le chagrin qui m'abattait. À mesure que j'avançais, la forêt me paraissait bien changée. Les oiseaux ne l'égayaient plus, Les fleurs étaient pâles et comme languissantes, et même, il semblait qu'une mort précoce y desséchait le feuillage des arbres. « C'est parce que je suis triste, » pensais-je d'abord, « que la forêt me paraît triste. » Mais bientôt, quand j'aurai retrouvé l'anachorète, ces paroles me rendront quelque espérance et quelque courage. J'entendrai de nouveau le chant des oiseaux qui nous saluaient jadis, et de nouveau je verrai briller les fleurs que jadis je cueillais pour elles. Hélas, quelle était mon erreur! Comme moi, la forêt avait bien réellement perdu toute sa gaieté. Les oiseaux ne voulaient plus y chanter, et les fleurs ne voulaient plus s'y épanouir. J'eus beau la parcourir en tous sens, je ne pus y trouver l'anachorète. À la fin, je découvris, ensevelie déjà sous les herbes, des planches à demi pourries et qui marquaient seules la place où s'élevait autrefois sa cabane. Je compris qu'elle avait été abandonnée et que les vents et les pluies l'avaient détruite. Ainsi l'anachorète, près de qui j'espérais trouver un refuge, avait quitté la forêt. Il avait cherché un autre ermitage. Il avait repris la vie errante de mendiant que les livres sacrés ordonnent aux brahmanes de mener parfois, ou peut-être même, était-il mort, tué par quelque tigre vorace. Et ainsi, avec lui, toute joie s'était enfuie de la forêt qu'il ne sanctifiait plus. Chapitre 23e. La Harde. Mon chagrin s'accrut encore, s'il pouvait s'accroître. Qu'allais-je devenir, moi, habitué depuis si longtemps à vivre parmi les hommes, et choyé de tous? Pourquoi alors une sage pensée ne me vint-elle pas, celle de regagner le palais de Golconde, où on ne se serait peut-être pas encore aperçu de ma faute? Mais ma jalousie et ma haine homicide m'égaraient. Il fallait que j'en fusse puni, et la sage pensée qui m'aurait épargné tant de maux ne passa pas dans mon esprit. J'allai donc au hasard des fourrés et des clairières, m'enfonçant, presque affolé, en des régions inexplorées, et déjà, à ma tristesse, s'ajoutait une autre souffrance. Si j'avais, comme les hommes, la faculté de rougir, je rougirais de l'écrire. La faim me faisait cruellement souffrir. Je n'aurais pas dû, en un tel instant, songer à de si viles préoccupations, mais je le répète, notre race supporte moins que tout autre le manque de nourriture, et durant ma longue vie, j'ai vu la douleur de tant d'hommes céder à la crainte de la faim, qu'on ne m'en voudra pas, je l'espère, du sentiment que j'exprime. Ainsi j'étais très triste et j'avais faim. Je cueillais bien, çà et là, quelques feuilles à demi mortes ou quelques maigres herbes, mais qu'était-ce là pour me rassasier, et je me désespérais quand je reconnus en des bruits assez lointains qui me parvinrent la sonorité des baris, et je repris un peu d'espoir. Ces éléphants que j'entends barrir sont sans doute des éléphants sauvages. J'essaierai pourtant de les attendrir, et peut-être, voyant ma détresse, voudront-ils bien m'admettre dans leur harde. Je tâchais ainsi de me rendre moi-même un peu de courage, et je marchais vers la partie de la forêt d'où j'avais entendu venir des cris d'éléphants. Parfois de nouveaux cris m'arrivaient, et ainsi guidé, je découvris, au bout d'un assez long temps, une clairière autour de laquelle était accroupie une vingtaine de grands éléphants. Au milieu de la clairière s'élevait un gros tas de fruits et de légumes frais. Les éléphants, à la nuit, s'éparpillaient dans les champs et les vergers voisins de la forêt, et là, pillaient ce qui était nécessaire à leur nourriture. Au retour, ils rapportaient ce qu'ils n'avaient pu manger et mettaient en commun leur butin. Je les voyais en jouir tranquillement. De temps à autre, l'un d'entre eux allongeait la trompe, prenait quelques fruits ou quelques légumes et les mâchait lentement. L'air heureux et comme bien sûr que nul ne viendrait le déranger. Plusieurs dormaient, et pourtant, malgré l'apparence alors calme et pacifique de ces éléphants, on les sentait d'un caractère farouche et prêt à se défendre ardemment contre tout intrus. Aussi je tremblais en m'approchant d'eux. Je cherchais quel gémissement pouvait les attendrir, lorsque l'un d'eux m'aperçut et poussa un grognement rauque pour donner l'alerte à ses compagnons. Aussitôt ils tournèrent la tête, ceux qui mangeaient interrompirent leur repas, et les dormeurs s'éveillèrent. Tous me regardèrent, et dans le regard je ne distinguais nulle sympathie pour celui qui venait troubler leur quiétude. Je fus sur le point de fuir sans même tenter de les toucher, mais mon désir d'apaiser ma faim me retint, et dans le langage des éléphants je leur dis à peu près ceci. « Mes frères, je suis un malheureux bien inoffensif et qui ne songe aucunement à vous nuire. Voilà longtemps que j'erre au hasard sans trouver d'asile, et si vous ne m'assistez, la faim m'aura bientôt tué. Ayez pitié de ma détresse, donnez-moi un peu de vos provisions et en échange, je vous rendrai tous les services que vous exigerez de moi. » Ces paroles ne les émurent pas. Ils se disaient entre eux, « C'est un éléphant blanc, un malade sans doute, ou tout au moins un être qui ne nous ressemble pas. À quoi bon l'accueillir parmi nous ?» Un éléphant, plus grand et plus vigoureux encore que les autres, qui semblait le chef de la harde, cria plus fort, « Il ne faut jamais accueillir les étrangers. Défions-nous des nouveaux venus, et loin de leur être favorables, chassons-les. Quand même, cet éléphant serait noir, il faudrait le repousser puisqu'il n'est pas né dans cette clairière. Il est blanc, donc à plus forte raison, nous devons le renvoyer d'ici. » Et tous reprirent « Oui, oui, qu'il s'en aille !» Ils se tournèrent vers moi en criant « Va-t'en, va-t'en !» J'essayai de leur parler encore, mais leurs cris redoublèrent. Plusieurs se levèrent et me menacèrent de leur défense. Seul, contre 20 éléphants, qu'aurais-je pu faire? Puis, la vie parmi des maîtres affectueux, la vie calme et l'habitude de veiller sur la plus douce et la plus charmante des princesses m'avaient rendu très pacifique. Je n'aimais pas les querelles. Les cris me faisaient horreur, et je m'éloignais de la clairière où j'avais espéré un instant trouver un refuge. Je compris bien que je n'avais rien à attendre de mes semblables. Partout, on m'accueillerait comme un intrus. Je me rappelais d'ailleurs que dans mon enfance, quand j'habitais encore au pays de Siam, la forêt natale, ma couleur blanche, à qui j'avais dû depuis ma fortune parmi les hommes, m'avait fait mal voir, même par mes compagnons de harde. Que serait-ce donc pour des étrangers, même moins farouches que ceux que je venais de rencontrer? Toujours les éléphants me chasseraient d'auprès d'eux. Chapitre 24e. Le Brahman. Je ne savais vraiment que faire, et mes réflexions s'assombrissaient de plus en plus quand je m'aperçus que peu à peu j'étais sorti de la forêt. Une plaine assez riche où alternaient les champs et les prairies, et où çà et là se dressaient des villages, s'étendaient à perte de vue. Une route blanche traversait la plaine. C'était déjà le crépuscule. Les champs étaient déserts, je ne voyais nul paysan sur la route. Je résolus de la gagner, pourtant. Elle me conduirait certainement vers quelque ville où je serais recueilli. Chassé par mes pareils, je ne pouvais plus avoir d'espérance qu'en la bonté des hommes. Mais comme je traversais un champ de légumes, je ne pus résister à la tentation d'en voler quelques-uns, et je commençai ainsi à assouvir ma faim. La nuit était tombée quand j'atteignis la route. Je me mis à la suivre, dérobant parfois un fruit ou deux aux arbres qui la bordaient. J'y marchais depuis peu, quand mes regards furent attirés par une masse noire au bas du talus. Je m'approchai de cette masse et, l'observant avec soin, je m'aperçus que c'était un homme. Était-il mort ou dormait-il seulement? Je le flairai avec ma trompe et je sentis la chaleur de son haleine. C'était un vivant. Je l'observai de plus près encore. Ses vêtements, souillés de boue et de poussière, étaient en guenilles. Ils ressemblaient à ceux d'un artisan et pourtant, à la ceinture de l'homme, je remarquai le cordon qui distingue les brahmanes. Un brahman en ce costume ne pouvait être de ceux qui mendient pour obéir aux préceptes. D'ailleurs, l'odeur de son haleine, qui rappelait l'odeur de certaines liqueurs importées par les Européens, au palais j'en avais parfois vu et flairé avec horreur dans des flacons, témoignait qu'il ne menait pas une vie de mortification, comme le doivent les brahmanes mendiants. C'était sans doute un de ces brahmanes tombés dans la misère, dans l'apade, comme on dit en la langue de l'Inde, et à qui la loi sainte permet dès lors de faire tous les métiers, même ceux qui en temps ordinaire sont le plus sévèrement interdits à leur caste. À force de regarder ce brahman endormi, j'en arrivais à distinguer ses traits. Il n'avait pas l'air méchant. Sans doute il m'accueillerait avec bonté comme peut-être un don des dieux. Puis j'avais depuis si longtemps désappris la solitude que je ne pouvais plus la supporter. Une compagnie s'offrait à moi, que vaudrait-elle? Je ne le savais pas. Mais ce brahman, dût-il être le plus cruel des maîtres, j'aimais encore mieux vivre maltraité par lui que vivre solitaire. Pour l'éveiller, je frappai donc d'un léger coup de trompe. Il ouvrit ses yeux et balbutia. « Hein, qu'est-ce que c'est ?» L'air que la nuit avait fraîchi le réveilla tout à fait et il m'aperçut. « Quel est cet éléphant ?»« C'est lui sans doute qui, me frôlant de sa trompe, m'a réveillé. Me voudrait-il du mal ?» Il se leva, avec assez de peine. Je me mis à pousser de petits grognements plaintifs et suppliants, pour lui bien montrer que je ne lui voulais aucun mal, mais qu'au contraire j'implorais son assistance. Bientôt il n'eut plus peur. « Je ne sais d'où tu viens. Mais bon, qu'importe. Ne devons-nous pas accueillir les animaux aussi bien que les hommes? On dirait que tu veux devenir mon compagnon. » Je baissai la tête en signe d'assentiment comme les humains. « Tu me sembles intelligent. » « Je ne suis qu'un pauvre brahman, dans l'apade, obligé pour vivre d'accepter les plus grossières besognes, et bien indigne de mon rang. Je dois sans doute expier des péchés commis dans une vie antérieure. Suis-moi, si tu veux. Tu partageras ma triste existence et peut-être même me seras-tu utile. À qui possède un éléphant, on confie des travaux plus lucratifs qu'à qui s'en va seul, et n'offrant que la force de ses bras et sa bonne volonté. » Pour lui bien montrer que j'acceptais de vivre désormais avec lui, je plie un pied de devant, l'invitant ainsi à monter sur mon dos. Il comprit, se hissa sur moi, et quand il se fut tant bien que mal installé, il me dit « Va devant toi, ô toi que peut-être les dieux m'ont envoyé pour mon bien. Va devant toi, je n'ai ni famille ni demeure, nous accueillera qui voudra. » Je n'étais plus seul. C'était, dans mon lamentable sort, un bonheur, et je suivis, un peu moins triste, la route blanche dans la nuit, emportant mon nouveau maître. Mon nouveau maître s'appelait Mukunji. Bien des fois, quand nous errions de longues journées sans trouver personne qui voulût nous occuper, l'un ou l'autre, ou tous deux à la fois, je l'entendis raconter parmi les gémissements l'histoire de sa vie, et je finis par la savoir par cœur. Elle était d'ailleurs assez simple. Il appartenait à une famille de riches brahmanes, avait passé sa jeunesse à Lahore, où il avait été instruit dans toutes les sciences nécessaires aux brahmanes par des maîtres excellents. Plus tard, le Raja des Marathes l'avait pris à son service comme Purohita. Le Purohita est le prêtre que les princes chargent d'offrir en leur nom les sacrifices aux dieux. J'ai entendu des Anglais dire qu'il y avait, chez de riches Européens, des prêtres de leur religion chargés de fonctions analogues et qu'ils appelaient chaplains. Mukunji plaisait fort au Raja des Marathes, qui lui demandait souvent conseil. Et il serait arrivé aux plus hautes dignités s'il n'avait eu un terrible défaut. Il ne pouvait résister au désir de boire des liqueurs fortes et s'enivrait sans cesse. Étant ivre, il avait plusieurs fois manqué gravement à l'étiquette de la cour marathe, et malgré toute l'affection qu'il avait eue pour lui, son maître avait dû le chasser. Ce malheur n'avait pas corrigé Mukunji de son défaut. Au contraire, il avait pris l'habitude de boire de plus en plus. Chassé de toutes les maisons, méprisé par les autres brahmanes, il en était arrivé à la plus triste des misères. Il vagabondait à travers l'Inde, faisant le premier métier venu. Il avait été cuisinier, il avait servi des maçons, et partout son défaut l'avait empêché d'être gardé longtemps. Maintenant, il s'employait le plus souvent à aider les portefaix et les terrassiers, et vivait de bien maigres salaires, dont il dépensait la plus grande partie à acheter de ses liqueurs jaunes, que les Européens nomment eau de vie, je ne sais pourquoi, car il me semble qu'elle tue lentement les hommes plutôt qu'elle ne les fait vivre. Grâce à moi, Mukunji fut un peu moins misérable. Il me louait pour transporter de lourds fardeaux, il se louait lui-même pour emporter de légers, et les grossis légumes dont il me nourrissait ne lui coûtaient pas la différence entre les salaires d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Notre vie était assez monotone. Quand, dans un village ou une ville, Mukunji ne trouvait plus rien à faire, nous partions et nous vagabondions jusqu'au jour où l'on nous embauchait de nouveau. Mukunji était au fond un brave homme, toujours prêt à rendre service quand il le pouvait. La manière dont il m'avait recueilli en était bien la preuve. Il était gai, et il aimait à répéter les belles sentences qu'il avait apprises dans sa jeunesse à Lahore. Mais quand il était ivre, son caractère s'aigrissait, parfois même il devenait méchant et s'emportait violemment. Il se querellait avec ses compagnons et plusieurs fois, il alla jusqu'à me battre. Certes, je n'étais pas heureux. Quand on m'employait à de trop viles besognes, quand Mukunji me rouait de coups, je souffrais cruellement. Mais à quoi m'aurait servi la révolte? Mon sort aurait pu être pire encore, pensais-je, et je me résignais. Et toujours, je songeais à Parvati. L'horrible prince l'aimait-il au moins? Était-elle heureuse? Se souvenait-elle de moi? Et je supposais à ces questions les réponses qui m'étaient les plus agréables, et ces rêves adoucissaient un peu mon chagrin. Je ne pourrais dire toutes les villes que je vis avec Mukunji, toutes les rivières que je traversais, toutes les montagnes que je parcourus. Je me rappelle, dans une ville française, Pondichéry, avoir aidé à bâtir un palais pour le gouverneur. Je servis à transporter les rails pour un chemin de fer que l'on construisait aux environs de Madras. Je fis maints autres travaux, toujours analogues pourtant, et je vécus plusieurs années cette vie errante et monotone à la fois.